Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue, président d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, des émeutes sans précédent secouent depuis quelques jours Londres et également d'autres villes de la Grande-Bretagne. Il y a ceux qui disent que voilà, ces émeutes sont l'expression en fait le cri d'une population frustrée. Il y a également ceux parmi les responsables au pouvoir à Londres qui disent que voilà, il s'agit des pieurs. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Écoutez, ça peut être les deux, hein, mais moi ce que je trouve étonnant, c'est qu'effectivement, je ne crois pas trop à la spontanéité de ce genre d'événement qu'on a connu d'ailleurs nous-mêmes en France. Je crois qu'effectivement, la situation de l'Angleterre, c'est qu'il y a une très forte tension sociale due à une politique néoconservatrice qui a énormément affaibli la situation économique et sociale des classes pauvres, donc aussi des classes d'origine immigrée, hein, et que je pense que cette situation est aussi instrumentalisé. Là, j'enquête en ce moment sur la situation anglaise. Il paraît qu'il y aurait eu beaucoup de messages Twitter, c'est-à-dire envoyés par les portables, pour pousser, comment dirais-je, les gamins qui ont tous des portables maintenant à l'émeute, et qu'il y aurait une volonté d'embrasement en s'appuyant effectivement sur des tensions à la fois, sur de la misère sociale et aussi sur des tensions ethniques. Parce qu'on voit très bien que les émeutes ont une forte connotation ethnique. Ce sont beaucoup de jeunes noirs. Et d'ailleurs qu'on a poussé récemment, bizarrement, contre des musulmans. Et je me demande si derrière une situation déliquescente due à la, comment dirais-je, à la façon dont fonctionne globalement l'Occident capitaliste, hein, je me demande si aussi il n'y a pas une instrumentalisation et ce que j'appelle une déviation ethnico-religieuse d'une colère sociale, car tout ça se passe en même temps que le krach boursier, le krach monétaire et financier est en train d'arriver. On a l'impression que cette opération peut permettre de dévier la colère sociale envers notamment les élites bancaires en conflit, je dirais, horizontal ethnico-racial. Hein. On sait par exemple aujourd'hui que l'extrême droite blanche anglaise est très infiltrée par les milieux, par l'extrême droite, on va dire, néoconservatrice, enfin les milieux néoconservateurs atlanto-sionistes, et on a l'impression, parce que c'est ce qui se passe aussi en France de manière plus discrète, qu'il est en train de se mettre en place pour faire face à la crise financière qui montre du doigt les élites mondialistes et l'oligarchie mondialiste, on est en train de mettre en place sur un tissu social complètement abîmé par la crise économique et le métissage forcé, une espèce de guerre raciale horizontale de pauvres entre pauvres pour détourner la colère, disons, qui serait celle des pauvres face aux élites qu'on appelle les élites de, comment dirais-je, nomades, de l'hyperclasse. Hein. On a cette lecture qui peut être possible. Et aussi, ce qui me semble évident, c'est qu'il y a une volonté de l'État anglais de ne très peu réagir à ces actions de jeunes voyous pour exacerber la colère des classes populaires qui subissent ces violences, afin peut-être de justifier derrière, un peu sur le modèle du Patriot Act américain qui a suivi les attentats de 11 septembre sous faux drapeau, de justifier la mise en place de plus en plus d'un État policier en Angleterre comme partout ailleurs, qui aussi permettra de faire face à la montée de colère populaire par rapport à l'effondrement, économique et financier qui arrive. Donc il me semble que ces émeutes sont très louches à cause de toutes ces analyses, surtout quand on sait qu'il doit y avoir les Jeux Olympiques de Londres l'année prochaine en 2012 et que l'Angleterre est un pays qui a une longue tradition, je dirais, militaire et de sécurité, et que je trouve que la réaction de l'État et de la police anglaise par rapport à ces émeutiers est volontairement très très faible. Hein. Il y a une volonté de laisser les pilleurs piller, brûler, etc., pour créer un climat qui pourrait justifier effectivement de faire passer après des décrets, notamment permettant une restriction des libertés individuelles et une mise en place de quelque chose qui ressemblerait à un État policier. On sait qu'en France, il a été voté il y a quelques semaines en douce l'autorisation pour les forces de police en cas d'émeute de tirer à balles réelles, par exemple, vous voyez. Donc c'est dans cette vision globale de crise mondiale que j'analyserai ces phénomènes d'émeutes anglaises. Voilà. Et en fait, en ce qui concerne les émeutes anglaises, c'était le chef adjoint de la police anglaise qui a évoqué en fait publiquement l'utilisation. Il a dit que voilà, la police évoquerait en fait de l'utilisation de balles réelles. Oui, c'est quand même, je pense qu'il y a une volonté de laisser faire pour l'instant, comme souvent d'ailleurs c'est la stratégie de l'État, pour que la colère populaire soit à son comble, car il ne faut pas oublier que ce genre d'émeute se passe dans les quartiers pauvres et ce sont les pauvres qui le subissent. On voit d'ailleurs que les premiers morts qu'il y a eu hier sont des Pakistanais musulmans qui ont été tués par d'autres émeutiers qui sont probablement d'origine caraïbe ou je ne sais pas quoi. Donc il y a une volonté de créer de la haine entre sous-prolétaires d'origine ethnique ou religieuse différente. Et ça, c'est typiquement des stratégies de manipulation qui, en général, intéressent, je dirais, la haute bourgeoisie et ce qu'on appelle l'hyperclasse. Hein, voilà. Et effectivement, de pousser le petit peuple anglais, notamment les classes moyennes et le prolétariat blanc, qui a d'ailleurs, qui a déjà une vision assez dure, qui est liée à la tradition anglaise, à les pousser à la haine, non pas contre leurs dirigeants qui les ont amenés à la ruine, parce que c'est la réalité depuis Thatcher, mais à les pousser à la haine contre les populations immigrées qu'ils côtoient, je dirais, dans les quartiers populaires et pauvres de Londres et des grandes villes anglaises. Donc il y a une volonté, à mon avis, d'ethniciser la crise, comme je l'ai expliqué, que j'expliquais que c'est ce qui nous guettait partout, notamment en France, pour que l'hyperclasse financière s'en sorte et ne soit pas châtié par le peuple. Sa stratégie est désormais, après avoir créé un chaos social et ethnique, d'ethniciser la crise afin de garder le pouvoir et de dévier les colères et de justifier surtout d'armer l'appareil d'État pour en réalité se protéger elle et de créer une espèce de guerre civile larvée et un État policier. Parce que vu l'ampleur du krach financier qui arrive, je crois que c'est ce qui leur est absolument nécessaire pour se maintenir au pouvoir, dévier la colère et empêcher la juste compréhension des choses. Voilà. Monsieur Soral, une dernière question. Pensez-vous qu'il va y avoir en fait le recours à une telle tentative dans d'autres pays européens, par exemple la France, l'Espagne ou bien autres pays européens? Pour en fait détourner l'opinion de l'Italie ou de l'Espagne, mais par exemple en France, je dis depuis longtemps que tout a été créé en France. Hein, par des choix politiques, des choix économiques, des manipulations, des encadrements associatifs, etc. Tout a été créé pour que si jamais les choses s'aggravent en France et que le pouvoir est menacé, et il aurait raison d'être menacé en fonction des choix catastrophiques qu'il fait et qu'il continue à faire, notamment sur le plan monétaire, économique, et même politique et géopolitique, tout a été mis en place pour déclencher de la paralysie sociale et des émeutes ethno-raciales et même ethno-religieuses en France, et qu'effectivement tout le dispositif est en France, et que ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, et ce qui s'est passé d'ailleurs aussi, n'oublions pas, hier en Norvège, qui est un peu le même genre d'opération, avec d'autres méthodes liées à la situation de la Norvège, hein, c'est-à-dire attentat sous fond de drapeau avec serial murder. Cette situation de chaos contrôlé et provoqué, à mon avis, est exactement ce qui attend la France demain face à la crise économique qui va s'aggraver, aux conséquences sociales qu'elle va avoir et aux responsabilités qu'elle va montrer et qu'elle va essayer ensuite de cacher. Enfin, voilà, je pense que les élites mondialistes, de plus en plus, vont s'en sortir par la stratégie du chaos pour ne pas assumer leurs responsabilités et ne pas se retrouver face au tribunal de l'histoire et face à leur peuple. Et pour ça, la stratégie, je l'ai dit, c'était organiser l'immigration, créer de la haine raciale par les organisations type SOS Racisme et ensuite, comment dirais-je, activer cette haine raciale par des opérations de provocation, notamment assassinat d'un jeune émeutier, après incendie volontaire par des groupes non contrôlés, non identifiés. Tout ça est, je dirais, vieux comme le monde et c'est ce qui attend, je pense, la France en 2012. Ça me paraît assez inéluctable.